Deus fecces cuns, mut me mervoil. Ou bien, deus fecces cuns, mut me mervoil. Ce til chevaliers est muiaus. Crans diaus servit, quand que sibiaus chevaliers ne funets de femme. Mout avient bien de l'aide madame, et madame aussi de l'aide lui. S'ils ne fussent muel enduit, tant est-il biaus et s'il belle, quand que chevaliers ne putselle, si bien n'avindre mes ensemble, que de l'une et de l'autre semble que deus l'une pour l'autre feuist, pour ce qu'ensemble l'aime ist.